Ce qui nous paraît important, c'est d'étudier le texte oral en tant que tel, de l'étudier dans sa cohérence, car un texte produit par une personne donnée s'explique évidemment par un certain nombre de paramètres, il s'explique par les circonstances dans lesquelles il est produit, il s'explique par la personne qui l'a produit, mais il s'explique aussi par l'enquêteur, et c'est la relation enquêteur-enquêté sur laquelle on pourra peut-être discuter. Il s'explique évidemment par référence au sujet, il s'explique par les circonstances dans lesquelles il est produit, enfin par toutes sortes de paramètres, et ça on en reparlera, mais il a, avec tous ces liens, il a une cohérence qu'il faut connaître, qu'il faut trouver, et il mérite d'être étudié, et il a une cohérence aussi grande que n'importe quel texte, qu'un texte écrit par exemple, et c'est évidemment la dignité du texte oral que l'on essaye de restituer par rapport au texte écrit. Bon, donc texte à étudier en tant que tel, et non pas simplement question amenant des réponses sur tel ou tel point. Ce qui veut dire que, enfin, l'axe essentiel, si vous voulez, de la recherche sur les ethnotextes, c'est que le discours oral, qui s'exprime donc par des textes oraux, le discours oral est information en lui-même, il est une information plutôt qu'il apporte de l'information. Enfin, si vous préférez, il apporte de l'information, mais il est en même temps information par le fait qu'il est discours, par le fait qu'il est discours dans une cohérence donnée.